Chapitre 52. L'atmosphère de cette demeure où Ladov chantait toute la journée, où, faute de piano pour l'accompagner, Demian improvisait pendant des heures entières, confiant à son violon le soin d'exprimer tout ce que ressentait son âme inquiète, était troublante comme un parfum capiteux. Madame Mianoff s'était fait une petite thébaïde dans sa chambre. Elle avait dressé la servante à lui apporter du thé 4 ou 5 fois par jour, et elle passait son temps aussi agréablement que partout ailleurs, entre les patients et les cigarettes. Victor s'était immédiatement adonné aux préparatifs du mariage, comme si, de toute sa vie, il n'avait pas fait autre chose. Un marteau à la main, des clous dans les poches, on le voyait perché sur une échelle, arrangeant et dérangeant, posant des rideaux par-ci, démolissant des cloisons par-là, et prenant son rôle de tapissier tout à fait au sérieux. Ladov avait profité de sa bonne volonté et de son intelligence pour exécuter dans la maison 1000 petits travaux qui devaient la rendre plus commode, et que jusqu'alors il n'avait pas eu le courage d'entreprendre. Demian paraissait désireux de regagner le temps perdu à Piatigorsk, et travaillait son violon avec un acharnement digne d'éloge. Il parlait peu, semblait triste, et ses amis voyaient clairement qu'il était dévoré de regrets. Mais ces regrets se rapportaient-ils à l'amour de Cléopâtre, si soudainement perdu, ou au temps précieux qu'il avait donné à ses chimères? Regrettait-il Cléopâtre, ou se reprochait-il de l'avoir aimée? Hélène seule eût pu résoudre cette question. Dans l'humilité nouvelle, dans la tristesse affectueuse de Demian, elle sentait le remords, non le regret. Mais elle se gardait d'en rien témoigner, ne voulant pas perdre par un pardon trop prompt le bénéfice de ce retour à des sentiments meilleurs. D'ailleurs, elle-même était inquiète. Non qu'elle eût quelque crainte pour son avenir. Elle se savait désormais en possession d'un talent capable de fournir à ses besoins et à ceux de sa mère. Mais le bonheur des autres est un spectacle attristant pour ceux qui souffrent. Et elle souffrait. Toute la jalousie qu'elle s'était interdite contre la princesse, alors que celle-ci régnait sur Demian, lui revenait à présent avec une amertume singulière. Et puis, elle craignait l'instabilité de son ami. Elle se demandait s'il l'aimerait longtemps, s'il serait un bon mari, si les beautés aristocratiques ne reprendraient pas un empire souverain sur ce plébéien ambitieux. Et de telles questions n'emportaient pas avec elle une réponse consolante. La veille du mariage, Mouza vint la trouver dans la salle où, toute seule, assise à la fenêtre, elle interrogeait l'avenir avec un cœur gros d'alarme. Il pleuvait, et le vent d'automne faisait tournoyer dans l'air du soir déjà assombri les feuilles jaunes arrachées aux peupliers. L'heure et le jour étaient tristes, mais Mouza ne connaissait plus de tristesse. Elle s'assit auprès de sa nouvelle et seule amie, et sans lui parler lui prit la main, qu'elle caressa quelque temps dans les siennes. « Je voulais, dit-elle enfin avec timidité, vous priez de remercier votre grand ami de ce qu'il a fait pour moi. » « Qui est mon grand ami ?» demanda Hélène, surprise. « Celui qui joue du violon, Demian. Il vous aime plus que tout le reste. Il vous aime autant que j'aime André. » « Qui vous l'a dit ?» fit la jeune artiste en rougissant. « Je l'ai vu. Je suis savante à présent. J'ai appris bien des choses depuis le printemps dernier. Voulez-vous le remercier pour moi ? J'ai honte et je n'ose pas. » « Je le remercierai volontiers, » dit Hélène. « Mais de quoi ?» D'avoir dit à André qu'il fallait m'épouser. C'est lui qui l'a conseillé à M. Ladov. Mais oui, ne le saviez-vous pas? Non, Hélène n'en avait jamais entendu parler. Peu importait aux autres que l'idée fût venue de Ladov lui-même ou d'un autre, pour elle seule, ce point avait de l'importance. Je le remercierai, dit-elle toute songeuse. Il a bien fait, c'est d'un bon cœur. N'est-ce pas? Je ne suis qu'une petite sauvage, pas beaucoup mieux qu'une paysanne. André est un seigneur. Mais quand on s'aime, cela ne fait plus rien. N'est-ce pas votre avis, Hélène ? Certainement, répondit celle-ci en passant sa main sur les cheveux de Mouza. Et vous ? Reprit la jeune fiancée. Pourquoi n'épousez-vous pas votre ami ? Il serait bien content, cela se voit tout de suite. Est-ce que vous ne l'aimez pas ? Si fait, dit Hélène, troublée. Eh bien, pourquoi ne voulez-vous pas le voir content ? Voyez André comme il est gai depuis que nous nous sommes accordés. Cela vous fait donc plaisir de le voir triste ? Non, oh non, fit Hélène avec amertume. Est-ce qu'il n'est pas assez riche ? Ce n'est pas cela non plus. Alors, il n'est pas assez bon ? Il est bon, interrompit Hélène. Mais pour se marier, il faut être autre chose encore que bon. Pourquoi ? Voyez un peu comme je suis mauvaise. Je ne sais rien, je ne suis bonne à rien. J'ai bien tourmenté André, et pourtant, il m'épouse. C'est parce qu'il m'aime. Mais vous, vous n'aimez pas assez votre ami. » Hélène baissa la tête. Singulièrement tort que cette enfant bizarre et ignorante. Cependant, elle avait raison. André l'épousait malgré ses défauts. Pourquoi donc, elle, voulait-elle que Demian fût sans défaut pour lui donner sa vie? N'aurait-elle pas 1000 fois plus d'influence sur lui dans l'intimité du foyer domestique? Ne lui avait-elle pas appris à la respecter désormais, à la consulter en tout? N'était-ce pas lui qui avait besoin d'elle, alors qu'elle pouvait vivre loin de lui? Loin de lui! Sans doute, elle le pouvait, mais au prix de quel amer déchirement! Un bruit de pas se fit entendre dans la pièce voisine. « Le voilà, » dit Moussa, « je me sauve. Dites-lui ce que vous m'avez promis. » Elle se glissa de la salle, croisa Demian sur le seuil, lui adressa un sourire et disparut. Demian ne croyait pas trouver Hélène toute seule. Il resta interdit un instant, puis s'assit sur la chaise que Moussa venait de quitter. Depuis leur entrevue matinale à Piatigorsk, ils ne s'étaient pas trouvés seuls ensemble. Il y pensa, et elle aussi, car elle détourna son visage et regarda par la fenêtre l'eau ruisseler sur les vitres. « Nous partons demain, » dit le jeune homme d'une voix contenue. « Nous ne nous verrons plus seuls à seuls, Hélène. Causons à cœur ouvert, puisque le hasard l'a voulu. » Elle fit un léger signe de tête, indiquant qu'elle y consentait. « Vous venez à Moscou avec nous, et ensuite, que comptez-vous faire ?»« Je ne sais pas, » dit-elle, découragée. L'idée de la séparation lui ôtait toute énergie. Voulez-vous rester à Moscou et essayer de vous y faire un nom? Je vous aiderai de mon mieux. Mais, chère Hélène, avez-vous pensé au danger qu'il y a à se soutenir mutuellement entre jeunes gens comme vous et moi? Avez-vous prévu ce que dira le monde en nous voyant toujours ensemble? Elle le regarda, stupéfaite que de lui-même il eût songé à tout cela. Il s'était beaucoup occupé d'elle alors. L'égoïsme qu'elle lui avait souvent reproché avait dû céder le pas à des préoccupations plus généreuses. « Je ferai ce que vous ordonnerez, Hélène, » continua Demian. « Si vous voulez que je parle de vous à M. Roussoff, il peut recommencer pour vous, près de ses amis, ce qu'il a fait pour moi. Et moi, j'irai ailleurs, où vous me direz d'aller, afin de ne pas vous nuire. Seulement vous me permettrez de vous écrire, n'est-ce pas ?» Hélène ne répondit pas sur le champ. « Moussa m'a dit de vous remercier. » reprit-elle après un silence. Elle dit que vous avez fait preuve de bonté en conseillant à Ladov de l'épouser. Je pense comme elle, Demian, et je dis aussi que vous êtes bon. Bon, oh non, fit tristement le jeune homme. Depuis 3 semaines, j'ai pesé ce que je vaux, et je ne vaux pas grand-chose. J'ai pesé aussi ma conduite envers vous, Hélène, et je me suis trouvé bien coupable. Quand j'ai disposé si insolemment de vous, ce soir, la villa, vous savez, j'étais fou. « Tout simplement. Et vous avez été bien généreuse de ne pas me rejeter ma folie à la face. C'est depuis lors que j'ai compris ma bêtise et mon orgueil. Vous avez bien fait de me refuser, Hélène. Je ne suis pas digne de vous. Le serai-je un jour? Je le voudrais. Oh oui, je le voudrais. Mais le pourrais-je ?» Il soupira profondément. Son soupir venait de son être le plus intime, celui qui pleure sur nos fautes quand nous sommes revenus à la raison. « On peut tout ce que l'on veut ?» dit Hélène, il faut vouloir. Je le veux bien, reprit Demian avec force. Mais seul, sans conseil, vous m'écrirez. Nous resterons ensemble, fit doucement la jeune fille. L'ombre croissante lui donnait du courage. Et le danger dont je parlais tantôt, et ce bruit de fiançailles, et ce tort que je vous ai si sottement fait que rien ne peut réparer. Ah, si vous m'aimiez, si vous vouliez m'aimer. « Je vous ai dit que je vous aime, » murmura Hélène. « Alors vous, ce n'est pas possible. Dites-le-moi que je l'entende. Vous consentez ?»« Je consens, » dit la jeune fille d'une voix raffermie. « Mais écoutez-moi, Demian. Je puis tout vous pardonner, tant que vous ne mentirez pas. Je puis vous pardonner même de manquer à la foi jurée, ce qu'à Dieu ne plaise. Mais vous êtes faible. Seulement, ce que je ne vous pardonnerai jamais, ce serait une parole de mépris. Une action dédaigneuse pour moi. Je puis me tromper, je puis mal faire, mais j'ai une âme aussi noble que la vôtre, et en devenant votre femme, je reste votre égale. Soyons-nous indulgents l'un à l'autre, mon ami. Nous sommes si faibles devant le mal. Il s'agenouilla devant elle, et c'est sur sa tête inclinée qu'elle mit elle-même le baiser des fiançailles. Le lendemain, à la même heure, nos amis prirent congé des nouveaux époux qui avaient été unis le matin. Ils quittèrent l'heureuse maisonnette qui allait abriter tant de joie, avec un sentiment de regret adouci par l'espérance. André promettait de venir passer l'hiver à Moscou. C'est à quelques centaines de verstes de là seulement que Madame Yanov apprit le destin futur de sa fille. Cette perspective la remplit d'une joie parfaite, et pendant longtemps, toutes ses patiences furent consacrées à creuser un savant problème. Fallait-il faire à Hélène, pour sa noce, une robe de soie blanche ou une robe de tarlatane ? Pas de soie blanche, fit avec un léger frisson Demian à la fin consulté. J'ai la soie blanche en horreur. Tout ce que vous voudrez, excepté cela. 6 mois après leur mariage, les époux allèrent rendre visite aux parents de Demian et passèrent par M. L'archimandrite avait beaucoup vieilli, mais il semblait devoir s'éteindre plutôt que mourir. Il prit la petite Hélène en affection et lui confia, au moment du départ, un secret qu'il avait gardé toute sa vie. C'était un rouleau de chants sacrés dont il avait composé la musique. « Quand je serai mort, dit-il à sa petite amie, vous les jouerez, vous les ferez chanter si vous pouvez, mais seulement quand je serai rendu à la terre. Je ne veux pas m'adonner à de vaines pensées d'orgueil. Peut-être qu'après ma mort, le bon Dieu me les pardonnera plus facilement. » Son vœu fut trop tôt exaucé, car l'hiver suivant, il mourut doucement, sans douleur et sans secousse. Ses chants, livrés au public sous un nom d'emprunt, ont obtenu un succès prodigieux. L'excellent homme était un grand musicien. La princesse a épousé Rabben. Ils vivent continuellement à l'étranger. Depuis son nouveau mariage, Cléopâtre a changé son genre de vie. Ce n'est pas qu'il lui eût déplu, mais elle a peur, horriblement peur de succomber à quelque effroyable catastrophe si elle s'écarte de la vertu. Depuis qu'elle a perdu son fétiche, elle est devenue pieuse. Il n'est pas très rare, dans le domaine de l'art, de voir deux époux unis de cœur et d'esprit arriver l'un par l'autre à une grande renommée. Ce destin a été celui de Demian et d'Hélène. La fortune et la gloire leur sont arrivées en même temps. Victor élève leurs enfants et se trouve parfaitement heureux. C'est ainsi que se termine Un violon russe d'Henri Gréville.